te disons merci ce soir. Nous venons te rendre grâce pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence ce soir. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu merveilleux. Un Dieu qui pense à nous. Alléluia. Un Dieu qui nous aime. Alléluia. Un Dieu qui se souvient de nous. Alléluia. Un Dieu qui nous garde. Alléluia. Il est notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes très reconnaissants auprès du Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir. Nous disons merci au révérend Désiré pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir d'annoncer la parole de Dieu. Merci à tous les serviteurs de Dieu dans l'église. Nous voulons partager ce moment pour la gloire de Dieu. Alors depuis le dimanche, le révérend nous a donné un thème. Il nous a dit de ne pas nous éloigner du lieu de notre promesse. Parce que c'est bien sûr, c'est là qu'il y a notre bénédiction. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Luc chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous allons lire aussi le verset 30 pour ceux qui écrivent. Luc chapitre 24, le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et il le reconnut. Mais il disparut de devant eux. Père, nous venons te rendre grâce pour ce moment de la parole. Que ta grâce soit sur nous. Fais-nous grâce de te connaître. Ouvre-nous ce chemin de la vie. Parle à nos cœurs. Il n'y a que toi qui nous connais mieux. Et tu peux nous faire grâce. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne t'éloigne pas du lieu de ta promesse. Parce que c'est là qu'il y a ta bénédiction. Kwa sababu ni pale panakuwa baraka yako. Ce soir, j'aimerais dire quelque chose. Na ichioni tulitamania kusema kwa kitu kimoja. Pourquoi nous ne devons pas nous éloigner? Jua nini atusta enda mbali? Dieu, Mungu, veut que tu bénéficies de sa puissance. Anapenda upate kupokea uwezo wake. Et de son aide. Ata na msaada wake. Tout celui qui s'éloigne du lieu que Dieu a préparé pour lui, il y a des choses qu'il rate. Et ce soir, Dieu ne veut pas. Il veut que nous puissions bénéficier de sa puissance et de son aide. Frères et sœurs, dans ce monde, sans la puissance, nous ne sommes rien. Dans ce monde, qui que nous soyons, si nous sommes faibles et que nous n'avons pas la puissance, rien ne peut marcher. Dieu veut que nous puissions bénéficier d'abord de sa puissance. Aucun enfant de Dieu ne peut rencontrer Dieu sans avoir sa puissance. Nous devons parler de la puissance de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir. Chaque enfant de Dieu doit avoir la puissance. Nous avons deux disciples. Deux disciples qui ont la promesse. Deux disciples qui ont vécu avec Jésus-Christ. Jésus a préparé pour eux un lieu de bénédiction. Un lieu de grâce. Un lieu de transformation. Un lieu qui serait pour eux. Facile est à quoi quoi chili ao. Un lieu de changement. Face à ma badiriko. Un lieu de shift. Face à ta couesse à kubadiri chavitu. Ils suivaient les enseignements de Jésus. Oanza kufata ma fundi shiamu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, paka kwa wakati mofulani, bien que Jésus leur a parlé de ce qui devait arriver, chapo tayeso ruweza kuzungumza kwa ile taweza kufika. Ces disciples, awa wanafunzi, ont commencé à manifester, warianza kuonesha les difficultés. Ata majukumu. Après que Jésus est mort, le monde est troublé. Ils sont effrayés. Et ils prennent un autre chemin. Frères et sœurs, que le monde ne nous trouble pas. Que les situations difficiles ne nous troublent pas. Le Dieu que nous cherchons veut que nous puissions bénéficier de lui. Quelle que soit la situation par où on traverse, tu dois comprendre et je dois comprendre que Dieu veut que nous puissions bénéficier de quelque chose. Ils ont pris un chemin inconnu, un chemin sans promesse, un chemin sans vie. Frères et sœurs, lorsque nous quittons du lieu de notre promesse, qu'est-ce qui nous rassure que là où nous allons, c'est là que nous allons retrouver ce que nous cherchons. Ils avaient la parole, mais ils manquaient de puissance. La puissance de Dieu, elle nous permet de gérer. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Oh frères et sœurs, sans la puissance, nous n'allons aboutir à aucun résultat dans la vie. Nous allons entreprendre mais nous ne verrons rien. Chaque homme a besoin de la puissance. Chaque homme a besoin de l'aide de Dieu. Le moment des problèmes C'est le moment où nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu t'accorde sa puissance. C'est que Dieu t'accorde son aide. Quelle que soit la situation par laquelle tu traverses. Frères et sœurs, il y a un secours qui ne manque jamais. Tu dois le connaître et tu dois le savoir. Jésus ne les a pas dit qu'il va mourir et qu'il n'y aura pas de secours. Il a dit il va mourir et le troisième jour il sera ressuscité. Il les a dit allez à Jérusalem, le lieu de votre promesse. Oh frères et sœurs, sans la puissance, sans l'aide de Dieu, nous sommes perdus. Nous avons besoin de sa puissance. Quand les problèmes arrivent, quand la tempête arrive, mieux vaut être cette maison qui est construite sur le roc. Quand vous avez la puissance de Dieu, quand vous avez l'aide de Dieu, quel que soit tout ce qu'il y a autour de vous, vous savez comment vous conduire. Église, nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Il faut que Dieu intervienne. Il faut qu'il vienne. Comment bénéficier de cela? Comment nous pouvons bénéficier de l'aide de Dieu et de sa puissance? La première chose, ayons toujours nos yeux tournés vers Jésus-Christ. Un chrétien, un enfant de Dieu qui n'a pas ses regards tournés vers Dieu, il est toujours confus. C'est loin d'être à l'église tous les jours. C'est loin de méditer la parole. Frères et sœurs, je peux tout faire, mais je n'ai pas mes yeux tournés vers la croix. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a voulu que la croix soit révélée. Dieu a souhaité que chaque enfant de Dieu comprenne les merveilles d'avoir ses regards tournés vers Dieu. Si nos yeux ne sont pas tournés vers Jésus, le moment des problèmes, le monde nous frappera. Le monde s'écroulera vers nous. Nous serons les plus faibles et misérables. Je prie pour quelqu'un ce soir. Ne regarde pas aux situations difficiles. Tourne tes regards vers Jésus. La croix de Jésus est la vraie solution de l'église. Est la vraie solution des enfants de l'église. Frères et sœurs, c'est au-delà de tout mot. C'est quand les regards tournés vers lui, ils ont leur visage rayonnant de joie. Les disciples ont marché avec lui. Mais à un moment donné, ils ont baissé les yeux. Et j'ai compris. Parce que leur position n'était pas celui de Jésus révélé à la croix. Ils étaient habitués à le voir à côté, marchant avec eux, demandant, il leur accorde des solutions, mais n'ont pas compris le mystère de la croix. On ne peut rien avoir sans la croix. La croix nous accorde miséricorde. La croix nous accorde la vie. La croix nous accorde les bénéfices de la puissance de Dieu. Oh frères et sœurs, où sont tournés tes regards? Vers ton oncle? Vers des hommes forts? Jésus est disponible. Il est disponible pour quiconque qui croit en lui. Cette œuvre n'a pas changé et elle n'a pas diminué d'efficacité. Même ce soir, si tu tournes ce regard vers lui, il peut t'aider dans la vie. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, j'aimerais vous encourager ce soir. Ayons nos regards tournés vers Jésus. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Est-ce que tu regardes aux situations par lesquelles tu traverses? Est-ce que tu as déjà fait l'exercice de rester devant la croix? Parce que même ceux qui l'ont percé ce jour-là, ce mystère s'est révélé à eux. La croix, Musalaba, elle n'est pas bon seulement pour les méchants. La croix Musalaba est une délivrance même pour les bons, même pour les mauvais. Quelle que soit ta situation, si tes regards se tournent vers lui, oh frères et sœurs, tu verras son secours. Tu vas vivre sa puissance. Ta situation ne peut que changer. La deuxième chose, c'est que nous devons chercher à savoir dans la vie si Jésus est à nos côtés et que nous faisons route ensemble avec lui. Frère, ma soeur, dans la vie, quel que soit ce que nous sommes, il nous arrive d'oublier ces deux disciples. Ce n'étaient pas des individus tels qu'on peut parler. C'est des qui étaient à l'école du Christ, enseigné par la bouche de Jésus. Un homme sans défaut. Mais ces hommes ont commencé à faire route sans Jésus-Christ. Plus loin, ils ne l'ont même pas reconnu. Je me pose la question ce soir. Est-ce que Christ est avec moi? Est-ce que je marche encore avec lui? Oui, je fais tout ce que je fais. Je chante, je prêche. Est-ce que Jésus est avec moi? Quand je regarde dans ma vie, est-ce qu'il est encore là? Est-ce que j'ai la joie de la vie que je mène? Quand les hommes me regardent, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Plus loin, Dieu, qu'est-ce qu'il dit de moi? Un enfant de Dieu qui désire recevoir la puissance de Dieu, il doit méditer toujours sur sa vie. Le monde nous offre beaucoup de choses, généralement qui nous empêchent de rester nous et de penser à cette vie avec Christ. Je prie pour quelqu'un ce soir que Dieu se révèle à ta vie afin que tu te demandes en toi-même, est-ce qu'il est encore avec toi? Je fais des offrandes, oui. Je fais tout ce que je peux faire, oui. Il m'envoie Kikula, je suis parti. Je suis parti. Mais est-ce que celui qui m'envoie est encore avec moi? Parce que s'il est avec moi, je devrais être calme. Je devrais être posé. Je ne devrais pas être dans l'inquiétude. Une des signes qui montre qu'il n'est plus avec nous, nous sommes dans la confusion. On veut maintenant agir par nous. Vous allez même comprendre que vous n'allez plus obéir à cette parole de Dieu. Oh frères et sœurs, ma prière dans tout ce que je fais, est-ce qu'il est encore avec moi? Parce que dans cette affaire, Ce n'est pas une affaire d'un groupe ou des hommes qui nous entourent. La relation de Christ avec nous est une relation personnelle. Souhaité que l'Esprit de Dieu parle en nous-mêmes si nous sommes encore enfants de Dieu. Oh, je prie. Je prie ce soir. Église, je prie. Je prie que Dieu nous aide à tout saisir, à savoir si nous sommes encore avec lui et qu'il est ensemble avec nous. Et c'est ça qui nous introduit ce soir dans ce message. Je me suis posé trois questions, frères et sœurs. Est-ce que je fais encore marche avec Dieu? Avec tout ce que je vis et je vois, Israël avait toujours une chose à faire lorsqu'il a des problèmes. Ce n'est pas d'aller vers les grands mais questionner Dieu. Ils doivent savoir si Dieu a quelque chose contre eux. Est-ce que nous faisons encore route avec Dieu? Une deuxième question est celle de savoir, est-ce que j'ai la puissance de Dieu? C'est-à-dire, je me mesure. Je suis au-dessus des situations qui m'arrivent. Ou les situations qui m'arrivent sont en train maintenant de me conduire. Il y a des situations qui vous arrivent. Il y a des tempêtes qui vous arrivent. Vous ne savez plus résister devant ces situations. Ces hommes ont quitté Jérusalem. Le poids des problèmes qui leur arrivaient ne l'ont pas aidé de rester devant la face de Dieu. La troisième question, est-ce que je bénéficie encore de son aide? Oh frère, ma soeur, est-ce que nous bénéficions encore de l'aide de Dieu? Sommes-nous en train de nous limiter aux bontés des hommes? Et cherchons-nous encore ce que l'homme peut faire pour nous? Nous sommes en train d'aller au-delà à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous. Parce que ce que l'homme fera pour nous sera limité. Il n'y a que Dieu qui sait étancher la soif de l'homme. Dieu est un bon Dieu. Il sait intervenir dans la vie de l'homme. Et lorsqu'il intervient, frère, tout est différent. La première chose, nous devons connaître ce qui disqualifie plusieurs personnes. Il y a des choses qui nous disqualifient de la présence. Il y a des choses qui ne rassurent plus. Parmi les choses qui disqualifient, lorsque je médite la parole de Dieu, j'ai réalisé que Jésus-Christ avait demandé aux disciples d'aller à Jérusalem. Et de rester là. Oh frères et sœurs, pourquoi Jésus les a envoyés là-bas? C'est pour comprendre qu'il y a un événement, une des plus grandes événements qui devait se réaliser dans l'histoire de l'homme. Oh frères et sœurs, si tu ne comprends pas les événements dans ta vie, si tu ne comprends pas l'histoire qui peut changer ta vie, qui peut basculer ta vie et la changer pour devenir tout autre. Oh frères et sœurs, tu seras disqualifié. Pour Dieu, ce qui devait se passer à Jérusalem, c'était l'une des plus grandes histoires. Et quand C'est-à-dire, si vous obéissez et que vous restez au lieu de la promesse, les choses dans votre vie, alléluia, vont changer totalement. Malheureusement, ils n'ont pas réalisé l'histoire. Ils n'ont pas compris. Jésus répétait, allez à Jérusalem. C'est là que toute chose sera définie. Oh, frères et sœurs, je prie pour quelqu'un. Ne rate pas l'histoire de ta vie. L'histoire de ta vie dépendra toujours d'un lieu. Le lieu de la promesse de Dieu. Dieu t'a promis. Va dans cette église. Va dans ce lieu-là. Attache-toi à cette. Tu rencontreras des hommes. Tu vivras des choses dans ta vie. Mais ne rate pas de comprendre l'histoire de ta vie. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il y a celui qui te fait arriver où tu es. Il y a toujours celui qui a déclenché ce qui a commencé dans ta vie. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ces hommes savaient. Oh, ils savaient. Oh, frères et sœurs. Ne rate pas de comprendre l'une des choses qui fera l'histoire de ta vie. Jérusalem était le lieu de changement des chiffres. Jérusalem était un lieu où le monde devait revivre un nouveau souffle. Les hommes et les femmes qui avaient désespéré, tous ceux qui avaient abandonné Dieu, ce jour-là était le jour de leur espérance. Parce que ce jour-là, la puissance de Dieu devait descendre. Et tout le monde devait savoir, il y a un Dieu. Si nous ne détournons pas du mal, nous ne le verrons pas. Ce jour-là, c'était un jour important. Le jour de l'histoire de l'homme est le jour important. Ce que Dieu avait déjà prévu sur le lieu de la promesse était différent de ce qu'il y avait dans la tête des disciples. Frères et sœurs, je prie ce soir que Dieu nous ouvre les yeux pour que l'on comprenne réellement ce que Dieu a caché en ce lieu. Aussi longtemps que nous ne le connaîtrons pas, nous allons être dans le désordre. S'il savait, que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voie exactement qu'est-ce qu'il a caché dans le lieu de sa promesse. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux. Jésus devait mourir. Il devait ressusciter. Pour que l'évangile, la bonne nouvelle, soit prêchée à Jérusalem. Et afin que tout homme reçoive la puissance et qu'il soit témoin de la bonté de Dieu. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas témoigner sans la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la bonté de Dieu sans la puissance de Dieu. Si tu as raté, il est difficile de vivre. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin du règne de Dieu. Il faut que sa puissance vienne. Si sa puissance ne vient pas, alors nous sommes passés à côté. Chrétien, il y a plus que ce que nous faisons. Il y a un grand rendez-vous qui nous attend. Ce rendez-vous ne parle que le langage de Dieu. Dieu nous demandera qu'est-ce que nous avons fait. Oh, je prie ce soir que Dieu nous donne sa puissance. Que Dieu nous donne sa puissance. Que Dieu nous donne sa puissance. Que sa puissance vienne sur nous. Frère, nous sommes rien sans la puissance de Dieu. Nous ne pouvons rien sans la puissance. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Comment connaîtrons-nous que nous sommes encore sur le chemin? Un jour, cet homme de Galilée dit, mais ces gens que vous persécutez ici, et si réellement ils sont de Dieu? Oh frère, ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Il faut que la puissance vienne sur nous. Quand la puissance vient, oh frère, nos yeux s'ouvrent. Nos yeux s'ouvrent. Ne rate pas. Quel que soit le problème, n'abandonne pas. Reviens. Et demande la puissance. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. Tu veux arrêter pour aller où? Qui peut nous donner la vie comme ça? Qui a l'argent qui achète la vie? Même l'intelligence de l'homme. Quel que soit ce que les hommes font, Dieu confond toujours. Le temps est arrivé, frère. Église, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Regardez d'où ils sont venus. Regardez où ils ont voulu arrêter leur vie. Regarde d'où tu as commencé. Regarde où nous commençons à partir. Tout ceci, le manque de la puissance, le manque du règne de Dieu. Est-ce que c'est la puissance de Dieu? Oh, je me demande. Si ces hommes où ils étaient partis avaient rencontré les hommes qui avaient donné leur vie au Seigneur par eux, qu'est-ce qu'ils auraient expliqué? Ces hommes allaient leur dire: c'est toi qui m'avais prêché. Oh, je refuse dans ta vie. Je refuse dans ta vie au nom de Jésus. Si on t'a connu enfant de Dieu, alors demeure enfant de Dieu. Que le mauvais témoignage quitte ta vie au nom de Jésus. Tu es de Dieu. Demeure enfant de Dieu. Que la puissance de Dieu vienne sur ta vie. Alléluia. Amen. La Bible dit: faisons chemin. Jésus lui-même est allé vers eux. Oh frères et sœurs, lorsqu'on détourne nos regards, lorsqu'on abandonne le lieu de notre promesse, nous sommes aveuglés. Nous partons vers l'inconnu. Comme le pasteur dit, Bandugu Imani aina musanfu. Tout a poté, boule. Seront perdus pour rien. Est-ce que takatifu unesha kuishikiaka? Tu as déjà senti le Saint-Esprit. Chikumoya Paul anafika mukini moya. Un jour Paul est arrivé dans un village. Anakuta ba disciple. Et il a trouvé les disciples. Aneba uliza. Leur poser la question: avez-vous déjà entendu parler du Saint-Esprit? Ils ont dit non. Oh frère, Nduku, si tu rates l'histoire de ta vie, si tu t'éloignes du lieu de la promesse, c'est fini. Quels sont tes vides ce soir? Quelles sont tes inquiétudes? Es-tu au-dessus de tes problèmes ou en dessous de tes problèmes? Il y a une histoire pour ta vie. Et cette histoire, c'est le plus grand événement qui puisse exister de ta vie. Il a suffi d'un jour. Il a suffi d'une heure. L'Esprit est descendu. La Bible dit: ces hommes qui étaient ordinaires sont devenus extraordinaires. Paul qui s'arrêtait, Pierre plutôt qui s'arrêtait tous les jours, est devenu celui qui pose des questions. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, il y a une puissance de Dieu, frères et sœurs. Rate tout, sauf la puissance. La puissance a la capacité d'attirer. La puissance a la capacité de faire grandir. La puissance a la capacité de faire naître. Quel que soit ce qui arrive à ta vie, tu as besoin de la puissance de Dieu. Il fallait que Jésus vienne. Et il l'a manifesté par son corps. La Bible déclare: lorsqu'il a partagé son corps, une puissance est descendue. Les yeux qui étaient aveuglés se sont ouverts. Ce soir, Dieu veut t'aider. Toi qui as été rendu aveugle, Dieu veut t'aider ce soir. Sa puissance, est-ce que tu crois que tu peux le recevoir? Est-ce que tu crois que dans ta faiblesse, ce soir, il peut descendre? Tenons-nous debout. Le temps est arrivé, église. La puissance de Dieu doit se manifester. Le règne de Dieu doit se manifester. Nous devons être remplis de sa puissance. Les temps sont durs. Alléluia. Satan n'acceptera jamais. C'est un esthétique comme que tu restes au lieu de ta promesse. Il doit te distraire. T'enlever de là. Mais seule la puissance de Dieu. Et elle est disponible ce soir. Pour quiconque croit. Alléluia. Jésus, j'ai besoin de ta puissance. Yes, j'ai besoin de ta puissance. Sans toi, je ne peux rien. Si tu as changé l'histoire, aujourd'hui je veux vivre mon histoire. Commence à élever ta voix. Oh, est une soirée aujourd'hui où Dieu veut nous donner sa puissance. Une puissance qui va nous relever. Alléluia. Une puissance qui va nous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce soir, il doit nous remplir, frères et sœurs. Tu ne seras plus faible. Tu ne vas plus rester dans cette position. Aujourd'hui, Léo, la puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Jésus nous aime. Yes, on a tout penda. Jésus nous aime. Yes, on a tout penda. Jésus nous aime. Yes, on a tout penda. Oh, qu'il descende ce soir. Ana shuka jote. Et qu'il nous remplisse. Ana koko tucho. Acquérions-nous. Quanani tout à l'heure. Acquérions-nous. Quanani tout à l'heure. C'est lui. Niyeye. Qui a les paroles. Ana kona mi. C'est lui. Niyeye. Qui est notre Dieu. Ana kwa mungu wa ce soir. Imandari. Qu'il te remplisse. Akucha. Commence à prier le Seigneur. Ansa kwamba bwana. Que ta vie soit remplie. Maisha yako. Il a dit, Alissem, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors ce soir, il nous remplisse. Il nous remplisse. Il nous remplisse. Il nous remplisse. Église, la puissance de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu est capable ce soir. Il est capable ce soir. Il est capable ce soir. Aujourd'hui, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Tu as longtemps pleuré. Alléluia. Tu es abandonné. Alléluia. Tu étais perdu. Alléluia. Tu as crié. Alléluia. Tu as lamenté. Alléluia. Il va te combler ce soir. Atakuchasa, il va te combler ce soir. Atakuchasa, demande-lui Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta puissance. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ce soir, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Remplis nos vies. Implore la puissance. Remplis-nous. Implore la puissance. Remplis-nous. Implore la puissance. Remplis-nous. Le Saint-Esprit. Remplis-nous. Il est capable ce soir. Saint-Esprit. Il est capable ce soir. Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'a résisté? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh Rabashaka. Saint-Esprit. Rabazi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le lieu de ma promesse. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi. L'esprit de force. L'esprit de délivrance. L'esprit de Dieu. Ce soir, remplis-nous. Oh, merci. Ce soir, touche-nous. Ce soir, visite-nous. Dans le nom de Jésus. Oh, frères et sœurs. Bukunadal. Le Saint-Esprit est Dieu. Rome takatifu ni Mungu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout toute l'église? Tunaweza kusimamia yulu kanisa mzima. Désire ce soir. Tamani mangaribi. D'être rempli de Dieu. upate kuchanzwa na Mungu. Dieu veut t'aider dans la vie. Mungu anapenda kusaidia mu maisha. Dieu veut t'aider. Mungu anapenda kusaidia. Et c'est par son esprit. Nani kupitia tu Roho Mtakatifu wake. Même les apôtres, atawamitume, ils ne savaient pas exactement ce qui devait se passer. Awakujua wakika nini ruwasa kupitika. Je sais que quand tu es venu ce soir à l'église, atamana kusema urukuja ukanisa jona. Mon frère, ma soeur, ne rate pas. Dada yangu nduku yangu usipuse. Dieu est disponible. Mungu eko mahali hapa. Pourquoi veux-tu rentrer tel que tu es venu? Jua nini unapenda kurudia vile ruwasa kuja. Est-ce que Dieu ne peut pas avoir pitié de nous ce soir? Eti Mungu asiwezi kuwa kona buluma kwa ajili yetu jiona leo. Oh alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, manifeste-toi. Onekana. Alléluia. Alléluia. Mangaribi ya leo. Ce soir, mu mateso yetu. Dans nos souffrances. Kuya sas. Viens maintenant. Oh alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Il y a une puissance qui descend ce soir. Koko wezi kuna shuka imangaribi. Baba shataka. Lord scout aliano. Haba shakate. Rakunzete. Ikako shataiko. Ikatu sekele mahapa. Oh alléluia. Libère ta puissance ce soir. Okosha kataika. Rabashikete. Donne la force à mon frère ce soir. Donne la force à ma soeur ce soir. Aujourd'hui, Léo, souffle Seigneur. Libère des filles. Agis maintenant. Tenda sasa. Que les aveugles vipofu voient maintenant. Waone. Roboshata. Oh, ce lieu est merveilleux. Ifasi konjema. Par rapport à ta promesse. Pafasi ya maidi. Par rapport à ce que tu as dit. Kulinganisha na leo sema. Entre et agis. Ingia na utende. Oh, Rabashiti. Commence à parler au Seigneur. Anza kusema na Bwana. Commence à lui parler. Dis-lui quelque chose. Commence à lui dire quelque chose. Commence à lui dire quelque chose. Par rapport à ta vie. Par rapport à ta destinée. Il libère quelque chose. Avec l'Esprit de Dieu, c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Ce soir, qu'il rende possible. C'est impossible. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Oh, ce qui est impossible. Kila kikwaza kwa sekana. Kikuwa possible mangadibia. Kiwezekane. Kikuwa possible mangadibia. Kiwezekane. Kikuwa possible mangadibia. Kiwezekane. Rabosha kata. Aya mane. Yakela bosha. Aya mane. Izi akotirebosha. Alléluia. Alléluia. Aïe, manette. Alléluia. Sombre et décoce. Alléluia.